يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم اجرني واحبتي من النار. عباد الله، معشر الصالحين والصالحات، لنفتح مسامع قلوبنا الى ربنا جل وعلا وهو يقول: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. معشر الصالحين، حديثي إليكم بمناسبة شهر محرم حول الزكاة، بما أن كثير من المسلمين اعتادوا أن يخرجوا زكواتهم أو زكاتهم في هذا الشهر الفضيل. الزكاة أيها الصالحون، كلكم يعلم أنها ثالث أركان الإسلام، وأن لا يمكن أبداً أن يستقيم إسلام المسلم ولا إيمان المؤمن الذي لا يخرج زكاة ماله. في كثير من الآيات الله قرنها بالصلاة، فقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالزكاة أيها الإخوة والأخوات، من معانيها الطهارة والتزكية والبركة. يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة معشر الصالحين تطهر النفس من البخل ومن الشح، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مؤمن أبدا. من قلب الإنسان المؤمن عرف الإيمان، فإيمان صحيح وإيمان مقبول ويكون فيه الشح والإيمان بالله. فالزكاة أيها الإخوة والأخوات هي أمر الله عز وجل، مفروضة على كل مسلم ماشية فارغة، وهذا فرق كبير. الزكاة من التزكية والضريبة من الضرب، وهيهات وشتان بين المعنيين. يقول الله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله عز وجل صريح في بعض كلنا بأن المال عندنا ماشي ديالنا، هو ديالو، هو ماله، المال مال الله. قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاهم. أعطيهم الزكاة من يشاء من المال ديال الله اللي خلاكم ثم فقط يعني تتصرفون فيه في هذه الدنيا. وكتب الله رحمته للذين يخرجون الزكاة. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. لمن أرحم يا الله؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الشفاعه مش سهل. On est toujours dans le mois de Muharram. Beaucoup de musulmans ont pris l'habitude de sortir leur zakat durant ce mois. Donc c'est important de rappeler ce grand pilier, les piliers de l'islam. La zakat, comme vous le savez, c'est le troisième pilier dans notre religion. La zakat, dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal l'a associé à la prière. On dit « wa aqimu salata wa atu zakat ». Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. Donne à chacun ce qui lui est dû, qu'il soit proche, parent, pauvre ou étranger passager. Ça, c'est mieux pour ceux qui cherchent la satisfaction de Allah, et c'est ceux-là qui connaîtront le vrai succès d'Allah. L'argent que vous prêtez à usure dans l'espoir de vous enrichir au détriment des gens ne vous sera d'aucun profit auprès d'Allah. Mais l'argent que vous donnez en zakat, en aumône, pour être agréé par Allah, c'est l'argent qui va être fructifié, que Allah vous le rendra plusieurs fois sa valeur. Un compagnon, Abdullah Mouchikhir, disait: je suis rentré un jour chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai trouvé en train de réciter ce verset du Coran que vous connaissez tous: Al-Hamu Takathur Hatta Zurtul Maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous vous habillez au tombe jusqu'à la mort. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrêta sa lecture, il disait: le fils d'Adam dit: ma fortune, mon argent. Mais ne possèdes-tu, ô fils d'Adam, de ton argent autre chose que ce que tu manges et qui se transforme en déchets, ou que tu portes et qui finit par s'user, ou que tu donnes en charité pour en tirer une rétribution divine? Donc la zakat, mes chers frères, l'un de ses sens, le sens étymologique, le sens aussi linguistique, veut dire la purification. C'est pas une impôt, c'est pas une dalima. L'un de ses sens, c'est pour purifier, et purifier l'âme de l'avarice, et purifier l'âme de l'amour ardent et immodéré de l'argent, qui provoque beaucoup de dysfonctionnements dans la psychologie de la personne, mais aussi dans la société. Le prophète Sansou disait: ils ne peuvent jamais se réunir dans le cœur d'un croyant, l'avarice et la foi ne peuvent jamais cohabiter en même temps. Et quand Allah Azza wa Jalla parlait de zakat, il s'adressait à Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, il disait: prenez de l'argent et prélève de leur bien une aumône par laquelle tu les purifies et les élèves et prie sur eux parce que ta prière est un apaisement pour eux. Donc la sagace est la conscience de purifier la personne de l'avarice et de tous ces maux qui le séparent des gens, qui le rendent insociable, infréquentable. La personne, mes chers frères, mes chers sœurs, la personne riche qui pense aux pauvres, qui va vers les pauvres, qui redistribue aux pauvres, il est aimé par tout le monde. Et tous ces pauvres-là prient Dieu pour qu'on avarice plus ce qu'il a. Et la personne qui ne sort pas sa zakat, la personne qui est radine, qui est avare, tous les gens ne l'aiment pas. Et les gens ne souhaitent, ces pauvres, ils souhaitent quand ils le voient, ils ont un sentiment d'injustice, un sentiment néfaste dans leur cœur. Zakat, il va dire quoi qu'elle dit, il y a ta terre d'une main, il y a ta terre d'une main, quoi qu'elle dit, يضرب الإنسان ليظن بأن يدخل وسط الزكاة قسم المال والله لا وقد أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت الحديث أبي كبشة المال وهو صحيح ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه أول شيء المال أقسم له من صدقة أبدا زكاة صدقة تعطي شيء إلا وين قسم المال ولو في الظاهر عندك 1000 قروض وعطيت 900 حبيب صلى الله عليه وسلم ونحن نقسم معه ان هذه 900 بركتها واثرها احسن من الالف والعكس اذا الانسان لم يخرج زكاه ماله لن ينتفع بها وهذا المال الذي ستسحب بركته ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح باب ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر والحديث طويل أحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر الحديث جميل ولكن المقام ليس مقام طب الشيخ غير قصي L'une des fonctions de la zakat, de l'aumône légale, c'est en plus de purifier la personne et purifier aussi ton argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait trois choses, je jure sur elles, qui sont vraies. C'est des choses qui sont contre ton calcul, toi l'humain. C'est quoi ces choses? La première qu'il a dit, jamais un don. Jamais quelqu'un sauve de son argent quelque chose pour Dieu, que ce soit zakat ou sadaqa, et qui diminue sa richesse. Et jamais quelqu'un qui subit une injustice et qui se montre digne dans cette injustice, sans qu'Allah lui donne plus de dignité, plus de valeur. Et jamais quelqu'un tend sa main aux autres sans avoir besoin, sans qu'Allah lui ouvre des portes de pauvreté. Sans que la pauvreté habite son cœur, celui qui demande aux gens, alors qu'il n'a pas vraiment besoin. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jure sur ça. Et nous jurons avec lui parce que il y a quelque chose que tous nous, on peut l'expérimenter dans notre vie, c'est cette notion de baraka. Quand dans ton richesse, dans ta richesse, dans ton argent, dans ta famille, il y a une baraka, il y a une bénédiction divine dans ce temps. Avec peu de choses, tu vis heureux. Avec peu d'argent, tu as des états, tu as une famille soudée, qui s'est aimable, des enfants réussis, un bonheur chez toi, et tout ce que tu ramènes peut te suivre. Mais il y en a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne font pas attention à leurs zakat, etc. Ils ne font pas attention aux pauvres ou aux vulnérables. Et tu peux voir que dans le foyer, il peut avoir jusqu'à 8 000 euros par mois. Et toujours il se plaint. Toujours il demande aux autres. Toujours il dit, j'ai pas assez. Parce que tout simplement, cette baraka qui nécessite en elle-même un discours du vendredi. Pour voir la baraka dans l'islam et comment le Coran il a traité ce point pour nous dire, ne cherchez pas la quantité, mais cherchez la baraka, cette bénédiction dans ce monde. الصالحين الزكاة هي حق لفقراء المساكين. يعني مش تتفضل على هذا الفقير مش لا هو حقه. الله يقول وآتوه من مال الله الذي آتاكم. الله سبحانه عز وجل يقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا هو الصالح يعلم عن اليقين لهذا المال عنده ومال الله وفيه حق للسائل والمحروم. إذا كثير من الناس عياذ بالله لا يزكون فليتقوا الله. إن يعني نحن مشفقون عليه في الدنيا والآخرة. يا أخي لو صرت عليك 50 عام 60 عام 70 عام واش مازال باغي تعيش أكثر منها؟ لما ناخذ لها 50 60 عندي تلحق عليك الشيطان تقول راني تاخذ 5 دراهم راني تلعب الخير ولو تبني 1000 مسجد وما تخرجش الزكاة كما أمر الله عز وجل لا تقبل. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفرائض. فلا بد أن تؤدي الزكاة كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فهي حق للسائل والمحروم. لا يجوز تهاون الأمر. وكذلك أيها الإخوة لا بد أن تعطى كما أمر الله عز وجل. الجمعة ليست وقت للتفصيل في هذا. وإلا نقترح على الأخ المسؤول أن أتي الإخوة إذا كان الأخوات عندهم غرض عنوان سيمينار تعليمين خاص بالزكاة ويكون فيه إفادة إن شاء الله. فقط أن تضربوا المسؤولين وينظمون بإذن الله. وكذلك أيها الإخوة لا بد في أن تعطي الزكاة تراعي حرمة الفقير. كثير من الناس مثلا كيفاش من البلاد قال لك عم الحاجة دخل البلاد مش عليه الزكاة ويجمعوا في القضاء ويصفوها تعطيه 100 درهم 100000 درهم إلى آخره. هذا مش زكاة هذا دعم هذا لعب بإذن الله. الفقير مش العام في الكرم الكرامة كرم. كان بعض الصالحين اللي مش يعطي الزكاة يجعل يده هي تحت يحطها ويقول الفقير هزها من فوق لأن يدعو يا خير من يد السنة ويقول ما عندي فضل هذا مال الله. بل ذهب أكثر من فقهاء المذاهب على أن الزكاة تعطيها الفقير ما تقول له شيء أصلا. ليش؟ ما تقول له هذا هذا بس الله أعطاك هذا حبك الله أعطاك هذا مش يعني يعمل فيها من وأذى ورياء. لا الله سبحانه عز وجل حين يقول إن تبدوا الصدقات اسمعوا هذه الآية ما شاء الله إن تبدوا الصدقات فهي علما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. كاين بعض الصدقات اللي خصها تكون جهر بغينا نمشي بغينا نصحوا نجيب ما تقوليش هذه نعمة بيني وبين الله. لا هذا جهل في الدين. أعطي نوي أخلص نيتك الله عز وجل وشجع خوتك. ولكن الزكاة اللي كتمشي والصدقة اللي كتمشي مباشرة للفقير هذه لا هذه بينك وبينه. وإذا كانت مع الأقرباء الناس اللي قراتي أحسن قال بها النبي صلى الله عليه وسلم زكاة وصلة عند أجران. الزكاة إلى الإخوة من الأخطاء ديالها والناس كيفرقوها بزاف هو الاصل في الزكاه معشر المسلمين هو ان تشوف واحد الانسان مثلا ما فقير ولا شاب باقي يخدم باقي يشتغل ما عندوش اعمل له جمع له زكاوات ديالك الاخرين واعطيه تهلا فيه اعمل له مشروع باش من هنا 5 6 سنين هو يخرج الزكاه ماشي دائما يولي فقير دائما تقسم عليه تعطيه 100 درهم. لا الاصل هو ان يولي حتى هو ممن يخرجون الزكاه. فهذه بعض الاخطاء اللي عياذا بالله يعني كتكون في اخراج الزكاه لمن يخرجها. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم من احبه الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا سيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين. اما بعد معشر الصالحين والصالحات من شيخ الزسار دونك on a dit que la zakat premièrement c'est une purification de la personne deuxièmement c'est une purification des biens que tu as. Les biens que tu as ne diminueront jamais à cause d'une zagage ou d'un don que tu le fais sincèrement pour la personne. Et la troisième chose qu'il faut savoir, que c'est un droit des pauvres. Le croyant, comme ici dit dans le verset du Coran, c'est celui qui a cette conviction que l'argent qu'il a, c'est l'argent de Allah, et Allah, il a mis dans cet argent un droit pour les pauvres et pour les nécessiteux. C'est le sens du verset. Mes chers frères, mes chères sœurs, celui qui ne comprend pas ça, et bien c'est ça la cause de toutes les fractures sociales, de toutes les haines dans les sociétés. Quand quelqu'un nous parle dans nos pays d'origine, et hier nous étions pauvres, aujourd'hui on va frimer avec des habits, avec des voitures, et on ne pense pas à ces pauvres qui ne trouvent rien à manger. Peut-être dans des endroits où nous, on gaspille des énergies et de l'eau, vous le savez, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Et c'est une honte pour chaque être humain. Il y a un être humain qui n'a pas accès à l'eau. C'est pour cela, Allah Azza wa Jalla l'a fait que la zakat, c'est pas une faveur, mais c'est un droit des pauvres et des nécessiteurs. L'une des erreurs que beaucoup de musulmans ils font dans la zakat, c'est qu'ils rentrent dans leur pays d'origine et tous les gens, tous les pauvres, ils savent que un tel va sortir la zakat, ils viennent tous. Ils se mettent et commencent à leur distribuer sans faire attention à leur dignité. Et ça, c'est une grave erreur. Pas uniquement tu sors zakat, mais fais attention à la dignité de ces pauvres. Des gens pieux, quand ils donnaient la zakat, ils la mettaient dans sa main et demandaient aux pauvres de la prendre de la main. Parce qu'ils leur disaient que la main haute est meilleure que la main basse. Ils ne voulaient pas que sa main soit haute pour faire attention à la dignité. Beaucoup des fuqaha de Madain qui disent que ce n'est pas obligé que tu lui dises ça sur les zakat. Tu lui donnes point. Beaucoup de musulmans aussi la partagent, ce n'est pas le sens. Le sens et la finalité de zakat, c'est quand tu trouves quelqu'un de nécessiteux, quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, et bien tu lui donnes assez, tu lui donnes toute ta zakat, tu vois la zakat de toute ta famille, etc. Ne dis pas que c'est beaucoup. Si tu lui avais une zakat, tu lui ramasses pour faire un projet d'ici 5 saisons, normalement la tombe de celui qui sort la zakat. Tu ramasses les zakat de ta famille et tu vas en Afrique au fort et en plus. Ça, c'est une zakat. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont rien à voir. Donc, c'est pas uniquement une croix dans notre religion, c'est pas uniquement c'est écrit au prix, je prie comme je veux. Je sors zakat comme je veux. Non, non. Et zakat, il y a beaucoup de musulmans qui se trompent, ils disent, bah moi je paye des impôts. Non, les impôts, c'est pas zakat. C'est autre chose. Il dit, oui, mais moi, je fais beaucoup de bien. J'ai des mosquées. Non, même si tu es né des mosquées, c'est une adoration. La chose principale dans l'adoration, c'est l'intention. Et que tu la fais dans ses normes. Comme Allah, ça ne rejette pas de nous. Mes chers frères, mes chers sœurs, donc c'est un droit des pauvres. Et comme j'ai dit en arabe, le moment, c'est pas pour donner plus de détails, mais j'ai proposé à la mosquée de faire un séminaire, peut-être une journée ou deux, pour parler en détail de ce troisième pilier de l'islam. Mais s'il y a des points que je peux saupoudrer vite fait, pour vous dire vite fait, je peux dire que vous savez qu'il y a deux conditions importantes. La première, c'est ce qu'on appelle Nessa. C'est qui sort zakat? C'est quelqu'un qui subvient à ses besoins et qui lui a, il y a un excédent, une richesse qui dépasse ce qu'on appelle un Nessa. Ce Nessa, selon les écoles maintenant, on reste prudent, c'est 87 grammes d'or. Beaucoup de savants, même chez nos frères Hanafites, ils disent que c'est bien de prendre l'or comme mesure, parce que l'or, c'est quelque chose de constant. Il y en a qui prennent, par exemple, l'argent. Et le nissan d'argent, c'est beaucoup plus petit. 85 grammes d'or, mais 595 grammes d'argent. Donc, une fois que j'ai l'excédent de ce que j'ai dépasse 700, c'est pas fini. Non, j'attends une année lunaire. Une année lunaire, puis après, à l'année anniversaire, je sors 2,5%. Mais faites attention, le calendrier lunaire, pas solaire. Fais attention, c'est pour cela, il n'y a rien qui te contraint à sortir pendant Muharram, ni pendant Ramadan. Non, il n'y a rien qui t'oblige. Mais il y a des gens qui changent. c'est un anniversaire, c'est pas grave. À condition que tu ne prends pas le, que tu ne manges pas le doigt des pommes. Que tu la sors avant le temps, pas après. Il y a dans un congrès sur la zakat, il y a des gens qui, dans leur bien, dans leur, des fois ils ont des placements, etc. C'est compliqué pour eux, le calendrier lunaire. Ils peuvent sortir dans le calendrier solaire, il n'y a pas de problème. Tu peux dire le 1er janvier, mais il coûte bien, c'est plus de 2005. Parce qu'entre le calendrier solaire et lunaire, il y a au moins 10 jours. Donc c'est 2,5, mais tu rajoutes après le 5, 75. Donc 2,575 pour compenser ces 10 jours qui sortent. Donc, mes chers frères et mes chers sœurs, finis par dire qu'il y a aussi des gens à qui on doit la donner. Je ne la donne pas à tout le monde. Allah les a limités aux 8 catégories qui sont dans le monde. Il n'a pas de salat à tout le والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والقارن وفي سبيل الله وفي السبيل. Donc c'est tout ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. إلى الإخوان الأخوات أتلوني عن الجمعة بعد ما فهمنا بأن النقطة الأولى أن الزكاة هي أمر الله. الزكاة هي رحمة لك أيها المزكي. غادي تطهر لك. بالزكاة الله عز وجل يعطيك الصحة. يعطيك ولادة ربي الله عز وجل يرفع درجتك ولكن في نفس الوقت إذا ما خرجتيش الزكاة راه العقوبة عند الله خطيرة فأنا أشفق عليك يكفي قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم يعني ذاك الذهب وذاك الفلوس غادي تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فاشكروا الملائكة هذا ما كنتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تعملون إخواني الزكاة هي أمر الله عز وجل هي طهارة للنفس للمال وكذلك هي حق للفقراء والمساكين كذلك فيها بعض الشروط من الشروط نتاعها مش لا يطلب منك خرجة بسرعة لا حتى ما يكونش عندك ديون حتى ولكن عند الباب مش تعمل يدين تاع دار على 50 عام تقول عندي لا ليس هذا هو الدين المعتبر هو الدين اللي الانسان يقول لك رجع لي فلوسي الان راه كي تسنى هذا هو الدين اللي في يرفع عليك الزكاه ثم اذا المال نتاعك تعدى واحد الحاجه اللي تسميها النصاب وهذا مزيان تفهموا ماشي ما تسماش لنا لا الهيئه الفلانيه لا والو راه كاين بونك دو فرونس ولا كاين دي سيت اللي يعطيك النصاب في كل دقيقه ماشي شكون شوف الكوب دو لو نروحو تصرف عليه الان تقريبا شفنا قبيله تقريبا 3100 وشي كادرو 3100 كادرو جي سا با دون لو نصاب سي با كيك شوز دو كومبليكي اي جي دون سيت انترنت بونك دو فرونس او بيان دي بوك سيت انترنت يا ان كي ريفيرونس سي 24 hgold.com tu vois le jour même le prix de l'or, tu multiplies. Le gramme, tu multiplies par 85. Aujourd'hui, on a mis les 3100, on a mis 3300. Ça, parce qu'il y a des gens qui le déterminent au début de l'année. Mais est-ce qu'il va rester comme ça pour l'année? Non, le prix d'or, de 5 minutes à l'autre, il peut changer. Mais si on me dit un qui me dit 3300 et l'autre qui me dit 300, 3100, si t'es croyant, je n'ai pas 3100 parce que tu auras peur de manger le droit du pauvre. Tu ne vas pas chercher le calcul pour gagner, non. Parce que toi, tu commercialises ici avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, deuxièmement, pas uniquement, il y a aussi pour attendre une année lunaire. Donc, l'année lunaire, c'est pour cela qu'il y a des musulmans qui sont dans zakat pendant Ramadan, pendant Muharram, pour que ça reste une date référence. Il n'y a pas de problème, tu peux le faire. À condition toujours, c'est de ne pas manger le doigt des pauvres. Ce que tu la sors avant, mais pas après. Avant, je te chouchis. Tu as une zakat, tu n'es pas, tu l'as sorti comme ça là. Il y en a des gens qui ont de l'argent de partout, qu'Allah leur bénisse, ils ont. C'est compliqué pour eux l'année lunaire. Eh bien, il y a une fête. Tu vois, tu peux sortir l'année solaire, il n'y a pas de problème. Tu peux sortir le 1er janvier, etc. Quand tu fais ton bilan, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est plus de 2005. Parce qu'entre l'année solaire et lunaire, il y a au moins 10 jours, donc c'est 2,575. Et tu sors, pas zakat. Il a dit, Khwani, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, هو يحرم على الإنفاق إسلام. قال كل هذه نزلنا لك يقول اللهم أعطي منفقا خلقا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلف. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ينفقون في السراء والضراء، ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عندي جوج ديال الإعلانات، الأول هو أن عندي إخوان المسجد النور في مدينة شونديري يطلبون نفقاتكم وصدقاتكم حتى يبنوا بيت الله سبحانه عز وجل، كلهم معهم مسؤوليات. والثاني كنا تكلمنا على دروس هذا المسجد كل يوم السبت في قصص الأنبياء وفي السيرة، قلنا أن هذا الدروس مهم لفهم حتى القرآن والسنة، فغادي يكون إن شاء الله انطلاقا من يوم غد بإذن الله. Donc il y a deux, avant de clôturer, deux annonces. La première, il y a mon frère qui vient de Chambéry qui a un projet de construction de mosquée. C'est soyez, Inch'Allah, généreux avec eux. La deuxième, on avait dit que dans cette mosquée, on va commencer une série de conférences sur les histoires des prophètes dans le Coran. Et ça, c'est quelque chose d'excellent, très important, parce que sans ça, on ne peut pas comprendre même le Coran. C'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres prophètes qui est une exégèse et un commentaire très parlant du Coran. Sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait pas la même chose. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa fil balad ta'ala ila yawm al-din. Allahumma ya Rabbi jamana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana ya Rabbi min ba'di saliman min kulli sharrin ma'suma. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ومرضى العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف لنا اسماعنا وابصارنا وارواحنا، اللهم اشف لنا السنتنا، اللهم ارحمنا بترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم الطف بالمستضعفين في كل مكان. عندي كلمه يا اخوان بمناسبه الزكاه. كيف الان حقق حتى شي مشكل قلبي، حتى شي مسلم قلبي ما يتقدرش يحس بالثلوج، شحال من عائلات سوريين يجوا لعندي وتخلطوا معهم كثير من الناس. نتمنى ان الاخوه السوريين اللي عندهم جمعيات اغاثه يتكلفوا هاد الناس ونتعاونوا معهم الصالحين، باش هذا المنظر يا اخوان المنظر لا يليق بالاسلام والمسلمين. فهم اما كاين ناس منهم اللي محتاجين، هادو خاص تعاونوا ولو من زكاه اموالهم، وكاين ناس اخرين اللي متحايلين الى اخره، فلا بد ان هذه الجمعيات اللي تعاون خوتهم في سوريا واللي هما يعرفوا احسن منا. يعني شوفوا الحال ديالهم حتى يعني نرفعوا حرج كبير بين تعكس في واحد الا يجيو المسلمين، وهذا في الحقيقه شيء يكسب. دونك جي ديزي جو بارتينيغ سون سوي رابلي دو سي دو سي دو سي سونتين فوار دي ميلي دو سيريان دون تو لي فو روج اي فيان هارسلي لي اوتوموبيليست. Et c'est une honte pour chacun de vous. Moi, chaque fois que je suis dans un forêt, je me vois petit. Parce que tu ne peux pas aider tout ce monde. Et deuxièmement, on sait qu'ils sont mélangés avec beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas dans le besoin. Alors, on ne peut pas les pénaliser parce qu'on a d'autres profits. C'est pour cela, j'ai toujours rappelé que mes frères, je leur dis, ils sont des associations caritatives syriennes. Qui connaissent ces gens-là, ça veut dire qu'ils mobilisent les musulmans et ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin, ils font zakat. Si chacun de nous sort sa zakat en France, il ne restera personne. Soit des gens qui sont vraiment dans les besoins. Là, c'est l'octroi avant qu'ils harcèlent les autres. Et si des gens qui jouent, c'est des gens qui veulent s'enrichir, et bien au moins, quand on les sache, personne ne va se rejeter à pour faire vivre. Allahumma tawfiq ya rabbal alamin. اللهم اغفر يا رب العالمين، اللهم قل لهم ما يسلم عليهم يا رب العالمين، اللهم اعنهم من فضلك، اللهم يا رب العالمين ارزقهم بكل ضعيف ومتضعف في هذه الدنيا، اللهم يا رب العالمين ارزقهم من رزقك يا رب العالمين، واجعلنا معهم من الاسقياء، من الاتقياء، من الكرماء يا ارحم الراحمين، اللهم انا نعوذ بك ان يكون فينا واحد مانع للزكاه. اللهم وفقنا لأن نخرج زكاة أموالنا كما أمرتنا لا كما تشتهي أنفسنا. اللهم آمين وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وخير من الصلاة.